temps. Depuis que j'ai ma Rolex pleine de diamants. Petit tour dans mon ghetto. Dans la chambre c'est hot, box sur du guap. Chaque à la beuh, vers chez nous elle est sucrée. J'ai débaffé, un speed illimité. Dans la foulée, des flots à volonté. J'oui pile plus, bon j'ai engagé une armée. Puis toi tu portes pas ses faire ça. Même chez toi ma gueule ils connaissent pas. Ouais j'sais faire le genre art. J'ai pas tendu le rap pour m'acheter de la sap. Non. Pour ça qu'on